en moi. Si tout est à moi, c'est que tout est à nous. J'ai prié Dieu si fort, j'en ai cassé ma voix. Je brille en aveuglé les jaloux. Je fais bronzer les rageux comme dit soleil. Ah si tout est à moi, tout est à moi.